Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, la fabuleuse Nathalie Portman. Quand la rumeur se répand que le roi Henri VIII ne partage plus la couche de la reine Catherine, son épouse incapable de lui donner un héritier mâle, Sir Thomas Boleyn rêve de gagner la faveur royale grâce à sa fille aînée Anne. L'ambitieux projet de Sir Thomas est cependant quelque peu contrarié quand le roi s'éprend de son autre fille Mary. Voici pour vous l'occasion de devenir la maîtresse du roi d'Angleterre. Vous pourriez ainsi obtenir pour notre famille des avantages inestimables. Ai-je le choix ? Non. Crois-tu qu'il m'aimera ? Assurément, chère sœur. Le roi ! Puis-je vous présenter ma fille, Anne Boleyn ? Qui êtes-vous ? Marie, votre grâce. L'autre fille Boleyn. Oui. Il est clair que vous avez fait vive impression sur le roi, Marie. Pardon ? À une époque où le sort d'une femme... Nos filles sont vendues comme du bétail. Elles ne font que servir l'intérêt des hommes. ...était scellée par son père. Ce soir. Tâche de le contenter, si tu peux. Une sœur a obéi aux règles. Je ne t'ai pas trahi, et tu le sais. L'autre les a défiées. Faites de moi votre reine. Deux sœurs pour un roi, Nathalie Portman, Scarlett Johansson et Eric Bana. Un DVD Wildside.